Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, inshallah, on va continuer l'histoire du prophète Moussa alayhi salam et nous étions arrivés à la troisième partie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion et dans la pratique de celle-ci. Donc, on avait vu la semaine dernière que le prophète Moussa alayhi salam était parti pendant 10 ans dans la ville de Madienne, dans laquelle il s'est marié avec la fille de Shu'aib, une des deux filles de Shu'aib. Il a eu avec elle 2 enfants et elle était enceinte du 3e enfant quand il a décidé de rentrer en Égypte. Et alors qu'il était sur la route, dans une nuit qui était obscure et dans laquelle il y avait de la pluie, il a vu une lumière et il a cru que c'était du feu. Et lui, il cherchait à faire du feu, il n'avait pas réussi à faire du feu. Donc il s'est approché de cette lumière, et c'est à cet endroit-là, en fait, ça n'était pas un feu avec des flammes, hein, mais c'était une lumière particulière qui allait de la terre jusqu'au ciel. Et c'est à cet endroit-là qu'il a reçu, pour la première fois, la révélation. Il a reçu sa mission de prophète, et Allah Ta'ala lui a révélé l'ordre d'aller appeler à l'islam, appeler à adorer Allah uniquement et à ne rien lui associer. Et Allah Ta'ala lui a ordonné d'aller voir Pharaon. Pharaon qui, comme nous l'avions dit précédemment, était un grand tyran qui, en plus de cela, prétendait être le seigneur des mondes. Pharaon disait aux gens « Ana rabbukumul a'la », c'est-à-dire « Je suis votre seigneur majestueux ». Et il considérait le peuple de Banu Israël comme des esclaves pour lui, et les gens l'adoraient. Lui, il demandait aux gens, il ordonnait aux autres de l'adorer. Donc le prophète Moussa alayhi salam, quand il a reçu cette mission-là, il a invoqué Allah Ta'ala. Et il a demandé à Allah qu'il envoie son frère Haroun en tant que prophète avec lui. Moussa alayhi salam a demandé à Allah que son frère Haroun, le frère de Moussa, soit lui aussi un prophète afin qu'il puisse l'assister et afin qu'il puisse l'aider dans cette mission. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé cela. Allah ta'ala dit dans le Coran, en attribuant la parole au prophète Moussa alayhi salam, وَجَعَلِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى. Dans ces versets du Coran, dans Surat Taha, donc il est dit que Moussa alayhi salam a invoqué Allah et il a dit « Waj'al li waziram min ahli » c'est-à-dire « Oh Allah, fais qu'il y ait dans ma famille quelqu'un qui m'assiste. Haroun akhi » et qu'il s'agisse de Haroun, mon frère. « Ushdud bihi azri » fais qu'il m'épaule et que je sois renforcé par son assistance. Wa ashrikhu fi amri, et fait qu'il soit associé à ma mission. C'est-à-dire, oh Allah, fait que mon frère Haroun soit lui également un envoyé, soit lui également un prophète. Kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira, et ainsi on te glorifiera beaucoup et on t'évoquera beaucoup, c'est-à-dire que ce soit dans les prières ou en dehors des prières. Innaka kunta bina basira, ô Allah, tu es celui qui nous voit. Et bien entendu, rien n'échappe à la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset suivant, قال قد أوتيت سؤلك يا موسى, c'est-à-dire Allah ta'ala lui a révélé que son invocation a été exaucée et que Harun alayhi salam était lui également un prophète et il allait avoir la même mission que le prophète Moussa alayhi salam. Dans un autre verset, dans Sourate Al-Qasas, Allah Ta'ala dit « Sanashuddu adudaka bi-akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi-ayatina antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun » C'est-à-dire que nous allons t'accorder une force par l'aide de ton frère, par le fait que tu sois assisté par ton frère, et nous allons vous donner un pouvoir tel que Pharaon et ceux qui le suivent ne pourront pas vous atteindre, ils ne pourront pas vous éliminer, ils ne pourront pas vous détruire, et avec nos signes, bi-ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun, avec nos signes, c'est-à-dire avec les miracles que nous vous accordons, les miracles qu'Allah a accordés à Moussa et à son frère, alayhim as-salam, vous allez être les vainqueurs, vous, ainsi que ceux qui vous suivront, ceux qui vous suivent. Et Allah Ta'ala a donc exaucé l'invocation de Moussa, alayhim as-salam, et lui a fait savoir que son frère allait l'aider. Alors Moussa a été apaisé, il a été tranquillisé en apprenant que Pharaon n'allait pas pouvoir parvenir à le tuer et que Pharaon n'allait pas avoir le dessus sur lui et sur son frère, alayhim as-salam. Et Allah Ta'ala, il a ordonné à Moussa, alayhim as-salam, de poursuivre donc son chemin jusqu'en Égypte. Et là-bas, il y verrait son frère Haroun et ils allaient appeler Pharaon à l'islam. Et donc, après ces 10 années d'absence, Moussa alayhi salam est retourné en Égypte et Aaron a reçu la révélation et il est parti à la rencontre de son frère Moussa alayhi salam. Et c'est là où, dans la nuit, ils se sont rencontrés. Et le prophète Moussa alayhi salam, il lui a informé de ce qui lui était arrivé, il lui a dit « Allah m'a ordonné de porter le message à Pharaon et j'ai invoqué Allah pour qu'il fasse que toi aussi tu sois un prophète avec moi, que tu sois en mission avec moi pour appeler à l'islam. » Et Haroun alayhi salam lui a confirmé cela. Alors Moussa alayhi salam lui a dit « Viens avec moi et on va voir Pharaon. » Allah Ta'ala, il leur a ordonné de parler à Pharaon avec douceur. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Et ça, il y a une sagesse que l'on peut tirer de cette parole. C'est quoi cette sagesse? C'est que Allah Ta'ala a ordonné à deux personnes qui font partie des meilleures des créatures, c'est-à-dire les prophètes, de porter le conseil et d'appeler à l'islam une personne qui fait partie des pires des créatures, qui est Pharaon, un des plus grands mécréants sur terre, et Allah leur ordonne à ces deux personnes qui font partie des meilleurs des gens, d'agir et de parler avec Pharaon, qui fait partie des pires des gens, avec douceur. Donc, que dire de nous, qui ne sommes pas parfaits, lorsqu'on veut porter le conseil à d'autres personnes, qui font certes des erreurs, mais qui ne sont pas pires, ils ne sont pas pires que Pharaon, ils n'ont pas atteint le degré de Pharaon dans la gravité des péchés. Que dire de la manière dont on doit leur porter le conseil avec douceur et avec sagesse? Allah Ta'ala dit dans le Coran, اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Dans ces versets, Allah Ta'ala nous apprend dans sourate Taha toujours que Allah leur a ordonné d'aller voir Pharaon qui est injuste et qui est un tyran. Idhhaba ila Pharaon innahu tagha. Et dans le verset précédent, idhhab anta wa akhuka bi ayati. Donc va toi et ton frère avec mes signes, c'est-à-dire avec les miracles. Faqula lahum qawlan layyina. Et dites-lui des paroles qui sont douces. Parlez-lui avec douceur. Et je répète encore la sagesse que l'on peut en tirer, qui est très importante. Un des meilleurs des gens, qui est Moussa alayhi salam, a été ordonné par Allah de parler avec un des pires des gens, avec une manière douce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Inna Allah yu'ti ala al-rifq ma la yu'ti ala al-umf. C'est-à-dire, Allah accorde, pour ce qui est fait avec douceur, des résultats qu'il n'accorde pas pour ce qui est fait avec dureté. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. موسى et هارون عليهم السلام ont invoqué Allah en exprimant leur inquiétude sur ce que Pharaon pourrait faire en voulant leur nuire. Et Allah Ta'ala a apaisé leur cœur. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا. Allah leur a révélé, n'ayez pas d'inquiétude. Innani ma'akuma asma'u wa ara. C'est-à-dire, je vous protège. Innani ma'akuma, ça ne veut pas dire je suis avec vous présentiellement, physiquement. Allah Ta'ala n'est pas un corps et il n'est pas concerné par le fait d'être localisé dans un endroit. Parce que les endroits sont des créatures de Dieu. La terre, le ciel, tout ça, c'est la création de Dieu. Dieu n'est pas concerné par sa création. Et après avoir créé sa création, Allah ne change pas. Parce que ce qui change a besoin de qui le fait changer. Et le changement est donc la plus grande preuve de l'entrée en existence. Donc dans les versets du Qur'an comme celui-ci, « Innani ma'akuma », les savants et les exégètes du Qur'an ont expliqué « Ma'akuma bilkila'a ». C'est-à-dire, Allah Ta'ala vous protège. Allah Ta'ala, il vous accorde la sauvegarde, il vous sauve, il vous protège. Ça ne veut pas dire il est avec vous, vous êtes là et lui il est là à côté de vous. Ça n'a pas de sens. Et ça n'est pas ce qui est visé par ce verset du Coran. Tout comme dans les versets du Coran qui concernent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il était dans la grotte avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Inna Allah ma'ana, ça ne veut pas dire Dieu est avec nous dans la grotte, mais ça veut dire qu'Allah Ta'ala nous accorde sa protection. Donc Allah a apaisé le cœur de Moussa et Haroun. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Donc je suis avec vous dans le sens où je vous protège, j'entends et je vois. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Et allez le voir et dites-lui, nous sommes les messagers du Seigneur des mondes. Alors ils sont partis voir le palais de Pharaon, ils sont partis au palais de Pharaon. Et là, ils sont tombés sur le portier et il faisait nuit. Alors le portier, quand ils ont demandé d'entrer, il leur a dit... Qui dois-je annoncer à Pharaon? Je leur dis que vous êtes qui? Et là, le prophète Moussa, alayhi salam, il lui a dit, dis-lui, le messager du Seigneur des mondes vient à toi. Alors là, le portier, il a eu peur quand il a entendu ça. Il n'était pas habitué à cela. Il était stupéfait. Il est parti voir Pharaon et il lui a dit, ça se voyait sur son visage qu'il était pris de panique. Il lui a dit, il y a à la porte un homme qui prétend être le messager du Seigneur des mondes. Et là, Pharaon a tressailli. Je vous rappelle que Pharaon a fait tuer plein de bébés de Banu Israël parce qu'il avait fait un rêve. Et des gens lui avaient expliqué ce rêve quand il avait vu un feu qui est venu détruire son pays, détruire l'Égypte et tuer tous les Coptes. et ne pas tuer le peuple de Banu Israël. Pharaon avait eu peur et les gens lui ont dit, ça c'est quelqu'un qui va naître dans le peuple de Banu Israël, les fils d'Israël, et qui va changer ta religion et qui va être la cause de la perdition de ton royaume. Il va mener ton royaume et ton régime et ton pouvoir à sa perte. Alors là, Pharaon entend quoi ? Qu'il y a un homme à la porte qui vient en disant « Je suis le messager du Seigneur des mondes. »« Ana rasoulu rabbil alamin. » Alors là, Pharaon, il a tressailli. Il a eu peur. Il était terrifié. Et il a dit au portier « Laisse-le rentrer. » Donc, le prophète Moussa alayhi salam est entré avec son frère. Et là, ils l'ont invité à reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont invité à l'islam, à la soumission à Dieu. L'islam, c'est ça. Et c'est la religion de tous les prophètes, comme j'ai déjà dit, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moussa n'était pas un juif, tout comme Isa, Jésus, n'était pas un chrétien. Mais tous les prophètes ont appelé à la même religion, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah » C'est-à-dire la meilleure parole que j'ai dite moi, ainsi que les prophètes avant moi, c'est la parole « La ilaha illallah ». C'est la parole de Tawhid. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Nul ne mérite d'être adoré sauf Allah. Il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah. Et donc Moussa et Haroun, ils ont invité Pharaon à entrer en islam. Et ils lui ont dit d'adorer Dieu uniquement et de ne rien lui associer. Et ils l'ont informé de ce qu'Allah Ta'ala leur a révélé. Et comme j'ai cité dans le verset du Coran, ils lui ont dit que Pharaon devait libérer les esclaves de Banu Israël, de sa domination. Il devait les laisser tranquilles et il devait les laisser adorer Allah uniquement et ne pas leur dire de l'adorer lui, c'est-à-dire d'adorer Pharaon. Et là, Pharaon, il a fait preuve d'arrogance. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ C'est-à-dire, allez voir Pharaon et dites-lui, nous sommes, chacun d'entre nous est le messager du Seigneur des mondes. أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلِ Et laisse Banu Israël, laisse le peuple de Banu Israël venir avec nous. Laisse-les tranquilles. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين Pharaon s'est alors mis à exprimer les faveurs qu'il avait soi-disant sur le prophète Moussa alayhi salam et lui a dit mais n'est-ce pas toi que j'ai fait grandir dans mon palais et tu es resté chez moi pendant de longues années Certains ont dit que Moussa alayhi salam est resté 30 ans dans le palais de Pharaon. Donc il a commencé à lui dire, n'est-ce pas que je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Et comme s'il avait, soi-disant, un ascendant sur lui et un mérite sur lui. Et après il lui a dit, وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ Il lui a dit, et en plus, tu as fait ce que tu as fait après et tu faisais partie des kafirin. Kafirin ici, ça veut dire kufrun ni'ma, c'est-à-dire tu as osé faire ce que tu as fait en tuant un copte. Et je vous invite à écouter les épisodes précédents, hein, les vidéos précédentes où j'avais commencé à raconter l'histoire de Moussa alayhi salam, quand il avait frappé un homme qui était du clan de Pharaon et sans faire exprès, il l'avait tué. Wa anta min al-kafirin, ici, ça veut dire tu as ignoré le mérite que j'avais sur toi, et au lieu de rendre cela par le bien, le fait que je t'ai élevé, le fait que tu as grandi chez moi, toi tu as répondu à cela par le fait de tuer un copte. C'est pas ainsi qu'on répond aux agissements que j'ai eus à ton égard. C'est ça ce qui est visé par wa anta min al-kafirin. Alors Moussa alayhi salam lui a répliqué à ces deux phrases. Sa première phrase dans laquelle il lui a dit « N'est-ce pas que je t'ai fait grandir et que ceci et cela ?»« Je t'ai fait grandir chez moi. » Et la deuxième phrase qui dit « Et toi, tu as tué quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un et donc tu n'as pas répondu à mon bien par du bien. » Moussa alayhi salam lui a dit ce qui est cité dans le Coran. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. Donc pour la première chose il lui a dit, ou plutôt pour la deuxième chose il lui a dit, j'ai fait cela alors que je faisais partie de Ad-Dallin. Ce qui est visé par Ad-Dallin, il y a eu différentes explications par les savants. Certains ont dit, c'était à l'époque où je n'avais pas encore atteint, où je n'avais pas encore reçu la révélation. Donc, je n'avais pas encore reçu ma mission de prophète à cette époque. Et dans une autre explication de ce verset, il a été dit « wa ana min ad-dallin », c'est-à-dire « al-jahilin ». Et ça veut dire quoi « al-jahilin » ici ? C'est-à-dire que j'ignorais que mon coup allait le tuer. Et quand je l'avais tué, j'ai pas voulu le tuer. Je l'ai frappé alors que je n'avais pas conscience, je ne savais pas que en un coup, j'allais lui porter la mort. Et donc, c'est ainsi qu'il a répliqué à Pharaon. Et pour la deuxième chose, quand il lui a dit que je t'ai fait grandir dans mon palais, Moussa alayhi salam, il lui a dit وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, c'est-à-dire, et pour le fait que j'ai grandi chez toi, tu oses m'en parler alors que c'est la conséquence de ce que tu as fait au peuple de Banu Israël. Si tu n'avais pas fait du peuple de Banu Israël des esclaves et que tu n'avais pas tué les bébés, je n'aurais pas été là à vivre chez toi. Moi, je serais avec mes parents. Si je suis arrivé à vivre chez toi, c'est parce que ma mère, elle m'a mis dans un berceau dans le fleuve pour éviter que tu me tues. Donc, c'est la conséquence de tes actes. C'est pas quelque chose de bien dont tu peux te vanter du fait que j'ai vécu et j'ai grandi dans ton palais. C'est à cause du fait que tu as fait du mal au peuple de Banu Israël. Et quand Pharaon a été cassé, il n'avait plus rien à dire, la vérité lui avait été exposée, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à interroger Moussa alayhi salam au sujet de ce qu'il avait parlé, c'est-à-dire au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, et c'est qui celui que tu appelles Rabbul Alamin ? Qala Fir'aun wa ma Rabbul Alamin. Fir'aun a dit, et c'est quoi Rabbul Alamin ? Ça veut dire, parle-moi de lui, quels sont ses attributs ? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Et là, Moussa alayhi salam, il a dit, c'est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les cieux et la terre. Alors, Pharaon, il a voulu se moquer de Moussa alayhi salam. Et Pharaon, il leur a dit, ce qui est cité dans le Coran, قال لمن حوله ألا تستمعون. Donc il a dit à ceux qui sont avec lui, vous entendez ce qu'il dit ? Il a voulu rabaisser Moussa alayhi salam. Il a dit, mais vous entendez ce qu'il est en train de raconter ? Vous entendez ce qu'il dit ? Et ces gens-là, ils avaient pour croyance que les cieux et la terre n'ont pas eu de créateur, qui sont éternels et ils ne sont pas entrés en existence. Et bien sûr, ceci est un égarement. Donc, Moussa alayhi salam, il a ajouté une phrase pour leur parler de quelque chose qui était plus proche d'eux, qui était eux-mêmes et leurs parents. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes n'ont pas été éternels et qu'ils sont entrés en existence. Allah Ta'ala a dit au sujet de Moussa alayhi salam, قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Donc après avoir parlé des cieux et de la terre, et que ces gens-là n'ont pas compris, ils n'ont pas utilisé leur raison, alors il leur a dit, Allah, mon Seigneur, c'est le Seigneur de vous, donc c'est votre Seigneur, Rabbukum, et le Seigneur de vos pères, de vos aïeuls, de vos ancêtres. Parce que Pharaon, il prétendait être le Dieu de ces gens-là, mais il ne prétendait pas être le Dieu des gens qui ont vécu avant lui. Donc Moussa alayhi salam les a interpellés par cela et leur a dit, c'est votre Seigneur et le Seigneur de ceux qui vous ont précédé, de vos ancêtres. Et là, Allah Ta'ala a dit, قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Pharaon a répliqué, il a dit, regardez votre messager qui a été envoyé à vous, c'est un fou, il est fou celui-là. Et là, Moussa alayhi salam a dit une troisième fois, une troisième phrase, قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Il a dit, mon Seigneur, c'est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident et de ce qu'il y a entre eux, si seulement vous utilisez votre raison. Donc, il a cité trois choses, et voyez l'intelligence des prophètes, alayhimus salatu wassalam, et la perspicacité, et la force de réplique qu'ils ont. Allah Ta'ala leur a tous accordé une extrême intelligence et une grande perspicacité. Avec tout ça, Pharaon, il a refusé de suivre Moussa alayhi salam, et il a rappelé à ceux qui sont avec lui que c'est lui, d'après lui, le Dieu. فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Donc il les a appelés, il leur a dit, c'est moi votre Seigneur majestueux. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي. Dans un autre verset, Allah dit au sujet de Pharaon qu'il a dit, ô vous les gens, je ne connais pas d'autre Seigneur pour vous que moi-même. C'est-à-dire, c'est moi votre Seigneur et personne d'autre. Et là, il s'est mis à menacer le prophète Moïse, alayhi salam. Il l'a menacé de l'emprisonner et il l'a menacé de lui faire du mal. Allah Ta'ala dit dans le Coran, قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين. Donc il lui a dit, si tu continues à prétendre qu'il y a un autre Dieu que moi, je vais faire de toi quelqu'un qui sera emprisonné. Donc je vais t'emprisonner. Et Moussa alayhi salam lui a dit, awalaw ji'tuka bi shay'in mubin, et si je t'amène un argument frappant, une preuve éclatante. Et il parle de son miracle avec lequel Allah Ta'ala l'a envoyé. Et plus précisément, ces deux miracles. Rappelez-vous, le miracle du bâton qui se transforme en serpent et le miracle de sa main qui entre dans par son vêtement, par le haut de sa tunique, et qui l'a fait ressortir scintillante comme la lumière de la lune. Alors Allah Ta'ala dit que Pharaon, il lui a dit, bah vas-y, montre-moi ton signe, fais voir si tu es vraiment véridique. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Donc il lui a montré les deux signes. Il a jeté le bâton et le bâton est devenu un serpent. Et il a fait entrer sa main dans sa tunique et elle est ressortie lumineuse. Quand il a jeté le bâton il s'est transformé en un serpent immense. Quand le serpent a ouvert sa gueule et il se déplaçait rapidement, Pharaon a eu peur. Et ça a impacté, certains ont dit qu'il s'est uriné dessus. Là, il a vraiment été effrayé et il a dit à Moussa, reprends-le. Alors Moussa, alayhi salam, a fait comme il avait fait quand il avait reçu la révélation et il a touché le serpent qui s'est retransformé en un bâton. Et après, Moussa, alayhi salam, a fait entrer la main dans sa tunique. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ لِلنَّاظِرِينَ. Il a fait entrer sa main, puis il l'a fait ressortir, elle est devenue blanche, mais pas blanche comme quand tu es malade et que ta peau elle est blanchâtre, pâlâtre, pâle. Non, c'était une blancheur qui scintillait, qui était lumineuse comme la lune. Et après, il a remis sa main et la main, elle est redevenue normale. Avec tout ça, Pharaon n'a rien voulu savoir. Et il a préféré rester sur sa mécréance. Et il a prétendu que Moussa alayhi salam, c'était un magicien. Et il a dit, قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. Et là, observez bien. Il a dit à ceux qui étaient avec lui, cet homme, ça n'est que un sorcier, un grand sorcier, c'est un magicien. Il veut vous faire sortir de votre terre avec sa magie. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ. Lui qui prétendait être seigneur, il a tellement été retourné par ce qu'il avait vu. Il a tellement été choqué, il était effrayé, il a perdu ses moyens, qu'il a consulté ceux qu'il prétendait être ses esclaves et lui prétendait être leur dieu. Et il leur a demandé conseil en disant « فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ?»« Qu'est-ce que vous ordonnez ?» Donc, il les a rendus comme si c'était eux qui ordonnent et lui qui obéit. Tellement il a été perturbé par ce qu'il avait vu et il en avait comme perdu la tête. Et il leur a dit « فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ?» Qu'est-ce que vous conseillez ou qu'est-ce que vous ordonnez ? Alors, les autres lui ont dit « Ne le tue pas maintenant, ne tue pas Moussa maintenant, laisse-le et amène des sorciers qui vont le casser et qui vont battre sa magie. » Parce que eux, ils considéraient cela comme étant de la magie. Allah Ta'ala dit dans le Coran « قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. » Donc, ils lui ont dit « Ne le tue pas maintenant, mais rabaisse-le et humilie-le en lui ramenant plus fort que lui dans la magie. » Et donc, appelle dans toutes les contrées d'Égypte les meilleurs magiciens, les meilleurs, les plus forts des sorciers, les plus forts sorciers, pour qu'ils viennent se rassembler devant le peuple et qu'ils cassent Moussa alayhi salam par, qu'ils le cassent par leur magie. Alors, c'est ce que Pharaon a fait. Et il a réuni les sorciers. Allah Ta'ala dit dans le Coran فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. Donc tous les magiciens, ils sont venus dans un jour qui était un jour de fête. Donc un jour où déjà tous les gens, tout le peuple se réunissait. C'était un jour de fête pour les Coptes. Et ce jour-là, ils ont ramené beaucoup de magiciens. Certains ont dit qu'il y avait 70 magiciens. Il y en a d'autres qui ont dit qu'il y avait 1500 magiciens. Donc il y a des divergences sur le nombre de sorciers qui étaient venus pour contrecarrer le prophète Moussa alayhi salam. Donc la foule de sorciers, elle s'est regroupée. Les gens étaient réunis. Il y avait Pharaon. Il y avait le prophète Moussa alayhi salam. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ. Donc il a été dit aux gens, c'est bon, êtes-vous bien rassemblés ? لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. Peut-être qu'on va suivre, ils ont dit, hein, peut-être qu'on va suivre les sorciers si c'est eux qui battent Moussa. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. Et là, les sorciers, ils ont demandé une faveur à Pharaon et lui ont dit, si on arrive à vaincre Moussa, est-ce que tu vas nous mettre bien? Est-ce que tu vas nous accorder des faveurs? Et est-ce que tu vas nous récompenser? قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Et Pharaon, il leur a dit, bien sûr, je vous récompenserai et vous serez mes proches. Ça veut dire que dans mon assemblée, vous serez les premiers à entrer et vous serez les derniers à sortir. Donc il y avait les dignitaires égyptiens, il y avait les princes, il y avait les vizirs, il y avait les magiciens, il y avait les gens de tout le pays. Et il y avait le prophète Moussa alayhi salam d'un côté, qui était avec son frère Haroun au rendez-vous, et de l'autre côté, il y avait les sorciers, les magiciens. Moussa alayhi salam, la première chose qu'il a faite quand il a vu les magiciens, c'est que il les a blâmés et il leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils faisaient. La sorcellerie, c'est haram en islam. Alors il leur a dit, malheur à vous si vous faites ce que vous comptez faire. Dieu, il va vous punir. Et Allah va vous anéantir par le châtiment. Et là, les sorciers, ils ont été étonnés. Parce que les sorciers ne parlent pas comme ça. Alors, ils se sont divisés. Et parmi eux, il y en a qui ont frissonné, ils étaient perturbés, ils ont eu peur, et ils ont dit, mais c'est pas un sorcier lui, pour qu'il nous dise, malheur à vous, si vous faites de la sorcellerie et vous allez être punis par Dieu, c'est pas comme ça que parlent les sorciers. Allah Ta'ala dit dans le Coran au sujet de Moussa alayhi salam qu'il leur a dit, وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ. Donc il a dit, malheur à vous, si vous faites cela, ce que vous comptez faire, Allah Ta'ala, il va vous punir et il va vous châtier. Malgré ça, ils se sont mis en ligne et ils ont fait la sorcellerie pour, soi-disant, vaincre Moussa alayhi salam. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Donc ils ont jeté les cordes et les bâtons qu'ils avaient. Eux, ils avaient des cordes et des bâtons. Ils en avaient beaucoup. Ils ont jeté les cordes et les bâtons et ils ont dit en même temps, par la gloire de Pharaon, à nous la victoire. Et les cordes et les bâtons, à cause de l'illusion qu'ils ont fait, hein, la sorcellerie qu'ils ont fait, les gens qui étaient présents, ils ont eu l'illusion, ils ont cru que les cordes et les bouts de bois, ben, c'était des serpents qui gigotaient et qui rampaient. Moussa alayhi salam, il a eu peur que les gens les croient et que les gens les suivent. Il a eu peur que l'assistance, elle soit convaincue par les tours des magiciens, des illusionnistes. Et Allah Ta'ala, il lui a affermi son cœur et il lui a révélé qu'il n'avait rien à craindre parce que c'est lui qui allait être le plus fort. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Donc quand ils ont jeté leurs bâtons et leurs cordes, ils ont fait de l'illusion dans les yeux des gens et ils leur ont fait peur et ils ont fait une grande sorcellerie. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Donc, leurs bâtons et leurs cordes, l'illusion qui était faite aux gens, c'était que c'était des serpents qui rampaient. Et Allah Ta'ala dit également, لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. Quand Moussa alayhi salam a eu peur, il craignait que les gens suivent les sorciers, Allah lui a dit, ne crains rien. Il lui a révélé, ne crains rien, tu es bien le plus fort. Et c'est toi qui vas les vaincre. Alors, le prophète Moussa, alayhi salam, il a jeté son bâton par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكِ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ. Donc Allah dit dans le Coran que nous avons révélé à Moussa, jette donc ton bâton. Et alors le bâton s'est mis à, il s'est transformé en un véritable serpent. Cette fois-ci, c'était pas une illusion. Et il a gobé, il a avalé toutes les cordes et tous les bâtons des magiciens. Et la vérité a donc éclaté. Et ils ont été battus. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. Subhanallah, les magiciens, les sorciers, qui étaient alors mécréants au départ et qui commettaient des grands péchés. La sorcellerie, c'est un grand péché. Quand ils ont vu cela, ils ont compris que Moussa alayhi salam, c'était pas un magicien, c'était pas un sorcier. Déjà, ils avaient entendu Moussa les mettre en garde contre la sorcellerie, et ensuite, ils voient que Moussa, son bâton se transforme en un serpent, il avale leur corde. il avale leur bâton. Ils ont compris que c'était un vrai prophète et que ce à quoi il appelait, c'était la vérité. Wa ulqiya as-saharatu sajidin. Ils se sont alors immédiatement prosternés pour Allah Ta'ala. Qalu amanna bi rabbil alamin. Ils ont dit, nous avons foi en le Seigneur des mondes. Alors, Pharaon, il n'était pas content. Et il leur a dit, آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. Il leur a dit, vous avez osé croire en lui avant que je vous autorise à croire en lui. Moi, je vous ai pas donné l'autorisation de croire au prophète Moussa, à Moussa, alayhi salam. Il a dit, je vous ai pas donné l'autorisation et vous avez osé croire en lui. Allah Ta'ala dit dans un autre verset du Coran, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. C'est-à-dire qu'ils se sont prosternés, les sorciers, et ils ont dit, nous croyons en Haroun et Moussa. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ. Il leur a dit, vous avez cru en lui avant que je vous autorise à faire cela. إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرِ. Il leur a dit, en fait, lui, c'est votre grand sorcier, c'est votre grand sorcier, et c'est lui qui vous a appris la sorcellerie. Vous êtes comme lui, vous êtes tous des sorciers comme lui. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. Et là, Pharaon les a menacés. Il leur a dit, si vous ne quittez pas la religion de l'islam, si vous ne délaissez pas ce que vous venez de faire, qu'est-ce qu'il leur a dit après? C'est ce qu'on verra, inshallah, jeudi prochain. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le chat. Et inshallah ta'ala, je vous rappelle qu'il y a cours tous les lundis, jeudis et samedis à 20h environ, hein. Des fois on commence à 20h15. Et je vous rappelle également que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours en envoyant un mail à l'islam.simplement, il n'y a pas d'apostrophe, comme c'est écrit sur votre écran, l'islam.simplement@gmail.com. Et comme ça, Inch'Allah, vous ne raterez aucun cours. Donc si quelqu'un a des questions, vous pouvez les écrire sur le chat et j'essaierai d'y répondre, Inch'Allah. Alors oui, j'ai vu une annotation qui a été écrite. Moi, je vous déconseille, hein, et c'est déconseillé. Les savants ont dit que c'est déconseillé et c'est une mauvaise innovation que d'écrire. Et là, je parle en arabe. Quand on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est déconseillé d'écrire sad pour faire comme un petit résumé de sallallahu alayhi wa sallam ou une abréviation. C'est pas bien de faire ça et c'est une mauvaise innovation. Il y en a, ils écrivent sad. Il y en a, ils écrivent sal'am. Sad lam ayn mim. C'est pas bien de faire cela. Donc, si vous voulez écrire sallallahu alayhi wa sallam, écrivez sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est long pour vous, vous voulez pas l'écrire, alors dites-le avec votre langue, après avoir écrit le nom du prophète Muhammad. Dites-le au moins avec votre langue. Mais n'écrivez pas d'abréviation quand il s'agit de faire l'invocation en faveur du prophète. Et pareil pour ce qui est de la glorification pour Allah. Il y en a, ils écrivent Allah et après ils écrivent SWT ou bien ils écrivent Muhammad et après ils écrivent PLS ou PSL2, je sais pas quoi. Non, soit tu écris Subhanahu wa ta'ala, soit tu n'écris rien et tu le dis avec ta bouche Subhanahu wa ta'ala. Et pour le prophète, soit tu écris Sallallahu alayhi wa sallam, soit tu le dis avec ta bouche. Mais ne faites pas d'abréviation pour cela. Barakallahu fikum. Quelqu'un demande, vous comptez donner des cours jusqu'à quand? Inch'Allah, jusqu'à la mort. Si Allah Ta'ala m'accorde la force et m'aide pour cela, qu'Allah nous accorde la persévérance. Quelqu'un demande comment pouvoir vous joindre par téléphone. Envoie-moi un mail à l'islam.simplement@gmail.com pour me parler, Inch'Allah. Et on en discutera, bi'idhnillah. Haroun est-il un messager ou bien c'est juste un prophète non messager? Haroun, c'est un messager comme le prophète Moussa alayhi salam. Ils sont venus en fait tous les deux avec la même loi. Quelqu'un demande, est-ce que Allah a parlé à une autre personne avant ou après qu'il a parlé à Moussa alayhi salam? Alors comme j'ai dit dans le cours précédent, je t'invite à écouter le cours précédent, hein. Qu'on avait parlé de la deuxième partie sur le prophète Moussa alayhi salam dans les questions-réponses, je crois, j'avais dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu la parole d'Allah, qui n'est pas des lettres et qui n'est pas des sons et qui n'est pas une voix et qui ne ressemble pas à la parole des créatures, bien sûr. Le prophète Moussa alayhi salam et certains savants ont ajouté le prophète Adam alayhi salam. Oui, Haroun, c'est le frère de Moussa. Je vous invite à écouter les cours précédents. Qui sont sur la playlist Les Histoires des Prophètes. Quelqu'un demande, avec la chaleur, peut-on prier en t-shirt à la mosquée? Si tu es un homme, oui, tu peux prier en t-shirt. Comment s'appelle le père de Moussa? Il s'appelle Imran. Le père de Moussa s'appelle Imran. Alors, tu as envoyé un mail, mais pas de réponse. Oui, j'ai beaucoup de mail de retard. Renvoie-moi un mail ce soir, écris-moi urgent, c'est Ted. Et désolé pour tous ceux à qui j'ai pas encore répondu au mail. Surtout ces derniers jours, j'ai pas beaucoup consulté les mails depuis le début juin. Inch'Allah, je vais m'y remettre. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors il y a une question là, est-ce que Moussa a eu des enfants? Je t'invite à écouter le cours depuis le début et tu auras la réponse dans les 5 premières minutes du cours. بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.